Rien ne change, t'es toujours là mon ange. Il manque ton rire à l'ennui, il manque ta flamme à ma vie. C'est pas du jeu. Sûrement paix des anges, sûrement la paix mon ange, c'est ça mon ange, sûrement là-bas. Dans mon cœur rien ne change, t'es toujours là mon ange. Il manque un temps à ma vie, il manque ton rire, je